7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. 96.2 FM, bonjour et belle journée à vous sous le soleil pour bien démarrer cette matinée. Il est tout juste 7h. Coucou à mon ami qui est déjà connecté, Eduardo. Salut Eduardo. Il y a aussi Florent Amigo qui est là. Salut Florent, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi cette nuit. Ouais, le meilleur des souvenirs qui arrive, un peu de caliente pour se dire, bah tiens, pourquoi pas se réveiller sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel avec un bon souvenir, l'île de la Réunion, forcément. Peut-être pour certains, ça va vous rappeler des bons souvenirs de vacances. Willy William, DJ Assad et ses lits tournés sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil, 7h. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Mesmo que haja oceano entre nós, se de mim tu te perdes, quando te sentires frágil e só, eu estarei onde estiveres. Eu vou estar contigo sempre, eu vou estar contigo. C'est bien la fleur pour que j'oublie les jours d'avant, pour que je protège ton corps et ton âme des mirages que tu attends perdus dans le désert. Na tempestade, se os teus sonhos tu perdes, avec Tony Caeva et Angoun, La Neige au Sahara, Radio Arc-en-Ciel qui sera partenaire justement de cet événement au Zénith d'Orléans. Tony Caeva qui sera le 21 janvier 2002 en live sur Orléans. Et Radio Arc-en-Ciel est bien sûr partenaire, on aura peut-être des places VIP à vous donner. Ah, qui sait, le meilleur des souvenirs, on réveille comme ça, ça fait du bien. Femme Like You, c'est Camaro sur votre radio couleur. I'm not afraid to die. blush. T'es fabulous. La délice pour un mec à l'homme. Baby, baby. Je suis chanté comme je baby, baby. Crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Tu sens plus que sur la pente de mer. Et le temps qui se rencontre. Et l'histoire qui se raconte. Une chanson pour le dire. Et les mots, les images pour le décrire. Un potentiel. Femme Make You, c'est Camaro, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, ouais, sous le soleil aujourd'hui, bah je peux vous dire, il va pas briller tout le temps malheureusement. La météo. La météo pour aujourd'hui, les températures au lever du jour, 12 degrés avec quelques rayons de soleil, quelques nuages bas encore. On va monter jusqu'à 22 degrés avec pas mal de nuages aujourd'hui. Le rayon de sol sera là aussi. Demain aussi encore du soleil, de la pluie, ça va être très très mitigé. Normalement le soleil devrait revenir vendredi. Ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième c'est Camaro qui arrive. Et non. Le matin c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. Si, parce que hier, les Italiens se sont qualifiés pour la finale face au tir au but. C'était à l'Espagne hier soir. Et puis, bah, super match quand même, hein, rappelez-vous, c'était ça. Son pied droit. Ouais. il y aura la qualification finale pour l'Italie si ça passe. C'est l'espoir qui reviendra côté espagnol. Jorginho face à Unai Simon. Eh ouais. Et ça y est. C'est fini, ce n'est pas une Panenka. On appellera peut-être ça à l'avenir une Jorginho. C'est une douce. Bravo nos amis italiens. Intérieur du pied. En finale de la Coupe d'Europe. Bravo aussi à nos amis espagnols. On est mitigés, nous. Dommage que les Français puis le Portugal ne soient pas là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le football, c'est le sport. En tout cas, bravo. Et c'est du sport. Vive l'Italie, vive l'Espagne et vive le football. Heureux d'être avec vous, Francky, dans la radio. On est là jusqu'à 9h. Et puis aujourd'hui, notre chroniqueur, Fabien Dumas, sera là tout à l'heure vers 8h moins le quart. Et puis on a un invité de marque ce matin. Une avocate dans les studios de la radio. Ouais, ça va pas rigoler. On va peut-être prendre perfect, ça se trouve. Donna Maré, c'est les Dead sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée. Bon réveil. Sol, 7h20 du matin, et normalement il y a monsieur Antoine qui est avec le téléphone. Bonjour Antoine. Bonjour mon Francky. Ah, bah ça fait plaisir d'avoir une belle voix comme ça le matin au réveil. Quelle voix de sensualité. N'est-ce pas, oui. Bon, t'as suivi le football toi hier, non? Pas du tout. Non, pas du tout, non, j'étais au restaurant. Ah d'accord, ok. Bon, les Italiens ont gagné, t'es au courant? Bah écoute, tant mieux. Hein. Ouais, ils s'en foutent, c'est pas grave, mais c'est bien aussi. Hein. Eh, moi je suis pas au courant du tout, hein. J'ai su tout à l'heure que les Italiens étaient en finale de la Coupe d'Europe. Voilà. Ah, eh ben écoute, tant mieux pour eux. Bon, tu vas prendre la voiture, la direction, la petite balade du matin, tu vas bosser, tu fais quoi Antoine? Non, là, je vais rester à la maison ce matin. Tranquille, pépère. Ouais, exactement. Eh ben ça va faire du bien, un petit peu de rester se reposer, hein. Exactement. Bon, tu souhaites une belle journée Antoine? Merci mon Francky, ouais. Et bonne matinée. Ouais, merci, plein de bisous. Bisous, à bientôt. Salut la famille. Et vous aussi, vous pouvez nous appeler, hein, 02 38 43 48 00. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Et c'est bien, et puis c'est bien parce qu'il y a plein de souvenirs, histoire de se bouger juste avant de démarrer le boulot. Comme ça, à presque 7h22 du mat. Ouais, Boogie Woogie Wonderland, Original Fires. Vous rappelez la bande originale de ce film? Eh ouais. Ça va vous faire danser dès le matin au réveil. On vous souhaite une très très bonne journée. Say Ah, j'ai envie de danser, j'ai envie de me mettre tout nu sur la voiture. Non, je rigole. Et ouais, c'était le bac hier. Il y en a plein qui l'ont eu, mais il n'y a pas que le bac dans la vie. Il y a plein de choses. Il y a le CAP aussi. Bah ouais, il y en a qui ont eu le CAP, on vous en parle. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. C'est Francky dans la radio. Alors c'est vrai que hier beaucoup de nouveaux bacheliers sont arrivés en France, sur la planète. Et puis quand même 97% des gens ont eu le bac. C'est énorme cette année. Mais il y a aussi des gens qui ont eu le CAP. C'est Steve qui veut témoigner justement d'un ami qui travaille avec lui, qui a eu son CAP. Bonjour Steve. Bonjour, comment tu vas Francky? Bah ça va et toi, tranquille? Eh ben super, ah oui effectivement c'est bien de parler du bac, mais aussi du CAP, puisque là où je travaille il y a une apprentie d'ailleurs, ouais. Maëva qui a eu son CAP. Ah salut Maëva, bah félicitations hein. CAP dans la vente, voilà. Alors ce qui est rigolo en France c'est qu'on parle beaucoup du bac, ouais, les bacheliers, mais il faut parler aussi des gens qui ont eu leur CAP, hein, ça fait ouais bien, c'est quoi. Ça, moi-même hein, d'ailleurs eu mon CAP en agent polyvalence de restauration pour le coup. Eh ben bravo, hein, on t'offrira une petite donc, pâtisserie. C'est ça, non mais c'est bien de le dire, c'est un peu plaisir de t'écouter au réveil. Et bah voilà, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir cette belle voix à l'antenne, Steve. Hein. Merci à toi, Francky. Bon, tu vas bosser là, Steve, tu fais quoi ce matin? Je bosse, déjà au boulot. Ouais, t'es déjà au boulot là, carrément? Ah ouais, nous on rigole pas, nous. Ah ouais, tu fabriques quoi, des pains au chocolat, des choses comme ça, je crois, hein, c'est ça? Non, des sandwichs pour le coup là. Ah bah, ça me donne faim. Tiens, tu vas m'en livrer un à la radio. Hein. C'est ça, un beau sandwich, Lémi. Voilà, belle journée à vous. Steve. Merci, à toi aussi. Allez, profite, ciao. Ouais, profite aussi. Le meilleur des souvenirs. Et si votre fils, votre fille a eu le bac, le CAP, appelez-nous 02 38 43 48 00. Et ça, c'est le meilleur du son. Caliente, Jimmy, Ayaman, Ouha. Fais monter la fièvre en moi. dernière fois. Eh, quel souvenir, Zouk, ça, ah, j'adore, franchement. Ça me donne envie de danser le matin. Vous êtes peut-être en voiture ou sur le chemin du boulot. Eh bien, appelez-nous, tiens, 02-38-43-48-00. Venez nous dire votre bonheur. Et puis, l'énorme surprise aujourd'hui, plein d'invités. Elle sera avec nous tout à l'heure, c'est une avocate. Ah ouais, on va en parler avec Cécile tout à l'heure. Céline, c'est Cécile, pardon. Cécile Guérin, voilà. Et Fabien Dumas sera là aussi. Et puis là, ils seront au téléphone avec nous tout à l'heure. C'est le collectif. Qui sont avec nous tout à l'heure au téléphone, Danza Latino, le meilleur des souvenirs, on vous le dit tous les matins, vous qui allez au boulot, et puis ben, du vrai son caliente, comme ça, comme vous aimez au réveil, et c'est vrai que ça fait du bien, les tragédies, rappelez-vous, en fin 2000, avec Sexy pour toi, pour nous. Cette soirée, c'est pour toi et moi, faut que ce slam ne me déçoit pas, faut que tu bouges et que tu danses, sur ce son, faut que tu déhanches. Quoi que tu dis, je serai ton homme. Quoi que tu fasses, faut que tu restes en forme. Si tu veux, bouge contre moi. Si ce n'est pas toi, ce sera moi. Baby, danse pour moi. Emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Ma baby, danse pour moi. Emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Faut que ça balance en rythme et en cadence. Faut qu'à chaque fois que j'y pense, ça me mette en transe. Oh, il faut que ça soit chaud. C'est toi qui fais mon show. Je veux que tu danses sexy pour moi. Faut pas que ça baisse. Je fais mon best, oh yeah. Et c'est toi que j'ai choisi, avec toi tu jumps. Un nouveau style je te ramène, un genre nouveau qui te harcèle, un son nouveau qui te va bien. Danse pour moi, emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Ma baby, danse pour moi, emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Faut que ça balance en rythme et en cadence.

Ça va à peu près, mais quelques averses malheureusement vont arriver cet après-midi. Les températures relevées du jour avec le soleil qui est bien au rendez-vous. 12 degrés, on va pas dépasser les 21, 22 degrés. Normalement, le soleil devrait revenir un petit peu vendredi, un petit peu samedi. Ça va être très très mitigé en espérant que la semaine prochaine, ça aille beaucoup mieux. Le meilleur des souvenirs à l'antenne avec un bon remix de Francky, vous allez voir. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Ah oui, justement, si votre fille, votre fils a eu le bac, eh bien vous nous appelez 02 38 43 48 00. On va en parler tout à l'heure avec des nouveaux bacheliers ou bachelières en direct sur l'arc-en-ciel. Et puis c'est 8h30 depuis Bordeaux, ils seront avec nous au téléphone. Ils sont numéro 1 du soleil, ils sont numéro 1 partout sur les radios, ils seront au téléphone. C'est Somariba du collectif Métissé avec leur nouveau hit. Ouais. Et puis là, forcément, un remix à la Francky, ça va vous réveiller si vous êtes en voiture direction le job. Eh bien, voici Jackie Quartz, hein, 1982, le remix de Francky. C'est Mise au point, remixé 2021. C'est là où les souvenirs se ramènent, juste comme ça, mais se met en graine. Le blues en profite pour s'installer. Quelques verres de vin blanc pour exciter le monde, et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts, et on connaît la fin. Je peux faire penser que c'est une histoire sans fin, si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois, mon geste semble coupé sur l'amour immortel, ça me concerne pas grand. Photo de Jackie Quartz maintenant, elle a morflé hein, depuis 80. Ah la vache, c'est plus la même. Hein. Ben bon, ça c'était le carton, le petit remix de Francky. Heureux d'être avec vous, Bandi, hein, c'est ce qu'on dit au Portugal le matin. Bah ouais, avec un mec que vous adorez, o Lusitano Marquito. Vamos lá dançar, hoje é festa, ninguém chora. Vamos trabalho a demora, nunca se acaba, chico a hora, já estou cansado, que vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer, a loucura do meu mundo que eu devo ver, gosto do fim de semana. C'est le Marquito qu'on aura au téléphone tout à l'heure. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Ah ouais, il y en a qui vont bosser ce matin. Et puis bravo à tous les nouveaux bacheliers, bachelières. Voilà, on aura quelques témoignages aussi au téléphone tout à l'heure. Et puis nos invités qui arrivent, une avocate dans les studios de la radio Arc-en-Ciel, Céline Guérin. Ah, ça va parler de droit, du travail, ça va parler de prud'homme, ça va parler de plein de choses qui vont vous intéresser, j'en suis sûr. Et puis aussi notre chroniqueur qui sera là, Fabien Dumas, aux alentours de 8h. 8h30 depuis Bordeaux, on sera en direct avec le collectif Métissé. Carton des clubs en ce moment, ils vont faire des réouvertures de clubs, ça va être ce week-end. Ils sont numéro 1 partout, sur toute la planète, sur toutes les radios. Ils seront avec nous, Somariba du collectif Métissé sera avec nous. Et puis j'aurai plein de surprises pour vous. Un poteau qui arrive, hein, ouais, qui m'avait donné ma chance à l'Olympia. Voici Grégoire, c'est quand? Bah c'est tout de suite. C'est quand tu viens, c'est quand tu passes. Quand tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives, dans combien de temps, c'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant c'est le moment, dis-moi c'est quand. Cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances, c'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ, c'est quand qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir, c'est quand tu décides, c'est quand que tu oses, c'est quand le sublime, nos deux corps enlacés sur des pétales de rose, c'est quand je peux y croire, c'est quand tu m'enlèves, c'est quand notre histoire. C'est quand tu me prends par la main et que tu me dis allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. C'est quand? Bah c'est tout de suite, hein. Greg, Grégoire, à l'Olympia. Oh, quel souvenir, il y a presque 10 ans. Oh là là, il m'avait donné la première partie, ça avait été énorme. Hein. Merci la famille d'être là, merci à Anaïs qui est du côté de la tangentielle, qui va au boulot ce matin. Bah ouais, il en faut. Hein. Merci à notre Porsche cabriolet qui roule aussi direction Main-sur-Loire. Eh ouais, on pense à vous. Le DJ allemand Paul Dixo qui revient à fond. Et là, celui-là, c'est le nouveau single. C'est le carton assuré pour cet été. Si vous avez envie de faire la fête dans les clubs, pourquoi pas. Voici Firefox. We all just want some love, please. en direct comme tous les matins, 8h03, ça me fait plaisir de vous retrouver sur Orléans, welcome la famille, avec Firework, Purple Disco, le disque, le jockey allemand qui cartonne en ce moment. C'est vrai que ça y est, c'est le retour des discothèques apparemment, qui vont réouvrir ce week-end, enfin certaines discothèques, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Mathieu Lebrun, depuis Rouen, qui sera avec nos téléphones, en tout cas on aura le collectif métissé avec nous, depuis Bordeaux aussi, eux qui sont partis en tournée spectacle, et dans moins de 7 minutes, c'est Fabien Dumas, notre chroniqueur qui est arrivé, puis aussi une avocate qui est arrivée dans les studios, hein, on sait jamais, ça peut servir. Céline Guérin qui vient juste d'arriver, ça fait plaisir de voir du monde dans les studios le matin comme ça. Et puis une belle reprise aussi de Last Christmas de George Michael, le fameux Giorgio qui nous a quitté il y a quelques années. Voici Last Christmas, version Rodrigo Reyes. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Écoute, c'est déjà sur la radio couleur. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Rodrigo, ey, ey. De todo corazón, gracias. J'adore cette version, ouais, bonjour. Les Italiens sont champions, non pas encore. J'allais dire sont champions, Fabien Dumas, bonjour, ça va? Salut Francky, salut à tous. J'allais dire ils sont champions, mais pas encore. Non, pas encore, on va attendre un petit peu. Bientôt, peut-être. Ouais, on sait jamais. En tout cas, hier soir, ils ont battu l'Italie. Hein. Hier soir, t'as regardé le match ou pas? Non, mais j'ai entendu parler de... T'as entendu parler du match? De Materazzi, hein. Ah ouais, ouais. Ça fait beaucoup, apparemment. Ouais, ouais, apparemment. Voilà, bah, ça y est, ils ont gagné face au, à l'Espagne, au tir au but, 2-1-1 partout. C'était, le score, et 4-2, c'est ça, les tirs au but. Moi, j'y connais rien en football. C'est cruel, hein. Ouais, c'est cruel, le tir au but. Les pénaux, quand t'étais plus jeune, c'était... Ouais, on disait les pénaux, voilà, ouais, bah, quand j'étais gamin, Fabien Dumas. Ça va te faire du bien de te retrouver avec une chronique, qui arrive dans quelques minutes, c'est ça? Ça marche, ouais, une chronique culturelle. Plein d'infos, plein de culture. On va en apprendre justement. Et justement, bah, les Italiens qui sont qualifiés pour la finale de l'Euro. Eh ben, un Italien qu'on connaît bien sur Radio Arc-en-Ciel. Tu connais Eros Ramazzotti? Eros, oui. Alors attention, je vais parler italien. Sebastiano una canzone. Et puis, on a une avocate aussi dans les studios. On va prendre Perpète, ça se trouve, ce matin. Céline Guérin, qui est notre invitée en direct. 8h08 minutes. Italia, forza! Basta sera, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti. Fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore. Se già, basta se già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo canto. Dedicato a tutti quelli che e sono immagini da sempre, oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e vede, finché diventa di un solo colore, più vivo che Ramazzotti, et j'allais dire Umberto Tozzi. Non, c'est pas la même génération, hein, mais c'est presque pareil. Italia, forza, en tout cas, bravo, nos amis italiens et espagnols aussi pour ce bel euro, quand même. Le Portugal est éliminé, hein, la France aussi, malheureusement, mais bon, Fabien Dumas est là, dans les studios. Ah ouais. La chronique de Fabien. La transition, je sais même pas si ça correspond à quoi que ce soit. Ouais, tu mets la barre haute là parce que. Ah, je vais du haut là, après l'Espagne et le Portugal et puis l'Italie et puis la France. Hein, un bel euro quand même. Hein, ouais, c'est sympa. Pas mal, sympatoche, hein, après le Covid et tout, ça nous diversifie un petit peu. Fabien Dumas qui est venu nous voir ce matin, chroniqueur, pour des sorties culturelles. Tout à fait. Voilà. On démarre avec quoi mon Fabien? On démarre avec une exposition à la Maison des Associations à Orléans, une exposition de peinture. C'est deux artistes féminines, ouais. Colette Sevestre et Véro Lombard, qui expose du 5 au 10 juillet à la Maison des Associations à Orléans, rue Sainte-Catherine, de 9h à 19h. C'est quoi, des Picasso? Non, des trucs comme ça? Non, non, c'est de l'art qui montre un petit peu le paysage, les animaux, la flore. Je pourrais aller peindre un tableau là-haut vite fait, alors peut-être tout à l'heure. Si t'en restes quelques-uns dans le grenier, tu vas les exposer. Ouais, ouais. Moi j'ai 2-3 Picasso qui traînent à la baraque. N'hésite pas. Donc, à la Maison des Associations. Hein. Ouais, c'est à Orléans, ça. Ouais, rue Sainte-Catherine, ouais. Du 5 au 10 juillet. Elle est sympa, cette baraque, la Maison des Assos. J'ai été souvent avec les sports amateurs là-haut. Ouais. Ouais, c'est une belle baraque. Une belle bâtisse. En tout cas, des bons plans avec toi ce matin. On continue toujours avec une exposition. Là, ça se passe à Châteauneuf-sur-Loire. C'est l'exposition consacrée à Maurice Genevoix et ceux de la guerre 14-18. Donc, c'est un peu d'histoire. Pour ceux qui ont passé le bac, là, s'ils veulent se replonger un petit peu dans les révisions pour la rentrée prochaine. Et si votre gamin, il a eu le bac, appelez-nous ce matin. 02-38-43-48-00. On vous passe en live. Allez, concentrez, Céline. Hein. Elle se dit, qu'est-ce qu'ils font, les j'ai pas terrain de planter parce que là, elle surveille. Hein. Ouais, tu surveilles, là, tu vas prendre perpète. C'est une avocate, fais gaffe. En plus, droit du travail et tout. Tu vois, tu vas aller au prud'homme. Hein. Donc là, une exposition consacrée à Maurice Genevoix et aux acteurs et actrices de la guerre 14-18. Ça se passe à Châteauneuf-sur-Loire, au musée de la Marine. C'est jusqu'au 30 novembre cette année. Ouais, total respect. Donc, hein, pour ces personnes qui ont combattu pour la France. Hein, tout à fait. Total respect, bien sûr. Plein de sorties culturelles. Bientôt, le 14 juillet. Ah ouais, bah ouais, le 14, on va tout faire péter, Orléans. Qui dit 14 juillet dit feu d'artifice. Donc là. C'est interdit ou c'est autorisé, là, ça cette année, c'est autorisé. Ah ouais, d'accord. Non, un peu plus que l'année dernière. Hein. Bah, j'espère, parce que d'ailleurs, à lui. Hein. Donc, cette année-là, parmi tous les 14 juillet qu'on va avoir, qui vont être fêtés, je vous propose d'aller à Bellegarde pour le 13 février pour le feu d'artifice. Ouais. Hein, ça se passera sur le foire rail de 19h à 1h du matin, avec animation musicale. Il y aura Bercy Sonorisation et la Société Musicale de Bellegarde. Et bah voilà. Qui également sonorisera cette soirée-là. Ouais. Hein. Buvette, restauration, bien sûr. Ah, et buvette, ah ouais, la buvette, c'est où il y a tous les mecs qui sont accoudés, là, comme ça, qui attendent. Hein. Et puis à 22h, il y aura une retraite au flambeau. La retraite, c'est quoi? Ah ouais, la retraite, je crois que c'est une maison bougie, de retraite qui venait. Tu peux y aller. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, c'est une retraite au flambeau. Ah. Ça se fait souvent, ça, dans les pistes de ski. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, tu descends avec les bougies allumées. Voilà. Là. Et ouais. Bah là, ça sera Bellegarde. Sympatoche. En tout cas, des bons plans avec toi, Fabien Dumas, ce matin, on dit à 14h15. On continue avec du cinéma en plein air. Ah, j'adore. Ça me fait penser à Schmoll à l'époque, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, ouais. Ouais, quand il y avait la dernière séance, là, ils étaient des fois à l'extérieur dans les bagnoles américaines, là, et on regardait le cinéma. Ça, tu pouvais, c'était bien qu'une gonzesse. Tu n'es qu'une vieille bagnole américaine, tu pouvais emballer une gonzesse tranquille, hein. Personne ne te surveille. C'est à l'ancienne, c'est ça. On est des vieux, nous, quand même, hein. Voilà. On ne dirait pas comme ça, hein, mais. Vieux expérimenté, on va dire. Ouais, c'est dans les vieux pots qu'on fait la vieille soupe, hein. C'est dans la bonne soupe, je sais plus ce que c'est. Confiture. Ma mère disait ça. J'ai appelé ma mère. Tiens, pour lui demander tout à l'heure. Ouais. Et ben on l'appellerait. Tu pourras lui proposer d'aller au cinéma en plein air. J'adore, à cette heure-ci, ma mère. À Saint-Jean-le-Blanc. Hein, et ce serait pour voir le film Bohemian Rhapsody. Ah ouais, c'est les Queens, ça, non? C'est sur les Queens, sur Freddie Mercury. Et ça sera samedi 10 juillet à 21h30 au Parc du Château, donc à Saint-Jean-le-Blanc. Et on est bon plan avec toi ce matin, et on en a des fêtes à faire. Ah, on continue. C'est bien parce qu'on est plus quasiment en mode Covid, entre guillemets, on peut un peu s'extérioriser, là. Hein. On peut, ouais, même si là, ouais, on peut encore, là. On peut en profiter un petit peu. Ouais, profitez, les gamins. Hein, faites gaffe quand même, hein, restez avec un peu les distances. Toujours les gestes barrières. Voilà, la barrière à tout, hein. SNCF, tout ça. Sinon, si tu veux faire un peu d'histoire. Ah ouais, j'étais fort, moi, en histoire. Eh ben, je te propose d'aller à Main-sur-Loire pour les instants d'histoire. Ça se passe au château de Main-sur-Loire. Ça commence ce week-end, du 10 juillet au 22 août. Ouais. Et si tu veux découvrir l'histoire en toute intimité, si tu veux découvrir les vêtements, les cosmétiques du 18e siècle, eh ben, n'hésite pas à y aller. Et puis, si tu veux goûter un petit peu la cuisine du 18e siècle, eh bien, tu pourras y aller et découvrir un petit peu les plats qu'on... C'est en quelle année, ça, le 18e siècle? Parce que moi, je suis pas fort à l'école, hein. J'ai arrêté en 1700 et quelques. Ah ouais. Tiens, on va demander à Cécile. Céline Guérin, tiens, elle connaît, tu connais l'histoire un petit peu, Céline? Ouais, ça va? Non, pas celle-ci, mais... Céline, j'en connais d'autres, des histoires. Ouais, qui a inventé l'école? Tu sais qui a inventé l'école? À ton avis. Charlemagne. C'est ça. Le sacré Charlemagne. Ouais. Donc ça se passe au château de Main-sur-Loire et ça c'est du 10 juillet au 22 août, c'est tout l'été si vous voulez découvrir un peu la vie à l'époque des seigneurs dans ces châteaux. Ouais, donc, je vais aller voir ça moi. C'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants et c'est en journée, hein. N'hésitez pas à y aller. C'est gratos ou il faut payer? Bonne question. Alors j'imagine que faut peut-être payer un petit quelque chose. C'est un peu normal. Hein, parce que si vous mangez un petit gâteau quelque chose, voilà, faut peut-être payer au moins la farine, les œufs. Ouais. Non. Et tous les renseignements sur le site du château de Main-sur-Loire. Ouais. Non, mais en plus tout le monde a été fermé pendant quelques mois quand même. À un moment, il faut que ça rentre aussi un peu dans les caisses. Hein. Sérieux? Bah, bien sûr, bien sûr. Les bons plans ce matin, 8h17 avec Fabien Dumas en direct. On continue avec, ça va peut-être te parler, ça se passe au château de la Ferté-Saint-Aubin. Ah, j'aime bien ce château-là. Pour ah, le Cocorico Electro. Ah ouais, bah, ça, c'est pour les DJ, ça. Ça, voilà. Ça, c'est Movio Bordé, ça. Ouais. Et bah, ça commence. J'ai failli mixer là-haut, hein, un jour. Ils m'ont appelé, mais j'étais pas disponible. Ouais. Bah, je te souhaite d'y aller parce que c'est un beau site, hein. Ouais, je vais y aller déguisé en coq. Parce que c'est le Cocorico, en même temps. Ah, sérieux. L'affiche, c'est un beau coq avec un casque sur les oreilles. C'est ça, voilà. Donc, ça commence vendredi et c'est jusqu'à samedi. Le 9 et 10 juillet de 17h à 2h, ça se passe dans la cour du château. C'est la quatrième année hein, ouais. qu'ils font le festival. Et pour la programmation, on a vendredi on a Breakboot, Jean Tony qui est Busty P. Ouais. Busty P. Samedi, Busty P. Yeah. Yeah, what a good double show. Are you ready to party? Samedi, on a Kungs. On a Kungs, c'est bon ça. Synapson. C'est les Français, hein, Kungs. Ouais, ouais. Ils sont de Toulon. Hein. Ouais. Synapson. Ouais. Florian Picasso, ouais. On en parlait tout à l'heure. Le frère un fiancé là. Michael Calfan et Lumberjack. Calfan. C'est un DJ. Michael Calfan et Lumberjack. Lumberjack, c'est du lourd ça. Et ben voilà, bah ça c'est une belle prank hein, cette année. La soirée de samedi. Ouais. Je voulais saluer la mère de la Ferté-Saint-Aubin. Justement, elle est super sympa et en plus elle vient d'avoir un bébé là, il y a pas longtemps, j'ai vu ça sur Insta là. Et ben voilà, tout le bonheur à la maman et au bébé. Ah ça y est, je suis papa enfin. Et j'aurai des problèmes. Tiens, j'ai pas eu ça, j'ai une avocate. Tranquille, moi. Ah, tu te permets tout ce matin, c'est bon. Ah, moi, le matin. On obtient une cause perdue. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, ça, c'est défendable, ça. Et puis, un peu plus loin, si on a deux minutes encore. Ah, bon, on a le temps, tu le dis. T'as encore deux, trois minutes, cinq minutes. Ça se passe du côté de Tours, du côté de Candé, précisément. C'est le festival Terre du Son. Ah ouais. Qui se joue. Alors là, c'est une, forcément, avec le déconfinement, c'est un programme un peu chamboulé. C'est sur 5 jours. On va retrouver sur du 9 au 14 juillet, entre autres, on va retrouver Sébastien Tellier, Ayam, Flavia Coelho. Ayam, c'est bien ça. Ouais, Grand Corps Malade, Fuchs Atherton, Ben Mazué, Célassiou, bref, allez voir sur le site de Terre du Son pour voir toute la programmation. Alors forcément, il y a peut-être le pass sanitaire demandé. Ça sera gaffe. Debout par contre. Là, ça sera debout. C'est quoi debout? Debout. Non, ça sera debout parce qu'avant c'était assis, mais depuis le protocole. Ça y est, ça a changé là. Le protocole a changé. Ils pourront se mettre debout pour. Ouais, c'est comme la pub Danette là. Tout le monde se lève. Maintenant, ils bouffent tous des Danettes là-haut et tout le monde peut se lever. C'est ça. Bah... Voilà. Tout le monde debout. J'avais même pas. Tiens, je crois que c'est encore assis les concerts moi. Non, c'était assis encore il y a 15 jours, je crois, et ça a changé. Bah, Véran, il a dit tout le monde debout maintenant. Voilà. Alors, donc, ouais. Tout le monde. Non, c'est. Par bien. Exemple, fin juin, le printemps de Bourges, j'étais assis. Ouais, apparemment, c'était pas extraordinaire cette année, on m'a dit. Hein. Moi, je suis allé voir Catherine Ringer. J'ai vu ton live. Ouais. Et puis, Fuchs Atherton. Non, c'était. Ça faisait du bien de retrouver le chemin des concerts et voilà. Ouais, ça fait de du retrouver bien. Un peu ça, ouais, c'était. Ouais, ça faisait pas trop maison d'attente, assis, non? Non, parce que c'était. Tu me diras, Catherine Ringer sur scène, maintenant, elle doit être tranquille. Hein. Ah non, elle déménage bien. Ah ouais, ça va. Elle a une voix. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Elle a morflé un peu quand même. Ah bah oui, elle a. Elle a commencé il y a longtemps. Ouais, elle a l'expérience aussi. Malheureusement, son pote, il est décédé. Fred Chichin, ouais. Mais il y a son fils qui reprend la guitare. Hein, Chichin qui joue avec elle. Et... D'accord. Non, c'était... C'était un bon moment. On héritait à Mitsuko une sacrée époque. Hein. On allait au Zig à l'époque. Ah ouais, on avait cassé des boîtes de nuit à l'époque. Le zigzag, hein. Zig, ouais, c'était. Ouais, le zigzag, on pense à Bernard en passage, le patron à l'époque. Hein. Et ouais. On est nostalgique ce matin. Toujours un petit peu, et on termine avec la Jarry. Ah, alors là, Jarry, j'ai un scoop, vas-y, parce que j'ai un super scoop. Bah, c'est pour ça que je te lance un peu là-dessus. Parce qu'ils m'ont appelé hier. Et ben voilà. T'es au courant? Non. Alors, je te laisse la primeur de. Non, je te dis l'exclusivité après, moi. Bien sûr. Donc, Benoît, c'est mon pote, hein, attention. Voilà. Attention ce que tu vas dire. Ah, bah, ils devaient fêter leurs 20 ans de scène l'année dernière, au mois de décembre. Ouais. Et puis, forcément, avec tout ce qu'on connaît, ça a été annulé, reporté. Donc, ils joueront pour leurs 20 ans de scène le 24 juillet au Parc du Poutil, à 21h. Ouais, Olivet. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, la Jarry, au Parc du Poutil à Olivet, voilà. Le 24 juillet. Allez voir à Olivet, la Jarry, c'est super important. Et puis, je veux saluer aussi le maire d'Olivet. Mais là, c'est pas des conneries, Mathieu, que je connais super bien, qui nous écoute le matin. Et le jour, il m'a envoyé un texto, il m'a dit j'écoute maintenant le matin, Francky, ça me fait plaisir. Salut Mathieu, s'il nous écoute ce matin. Singer, ouais. Et vive Olivet. Alors en parlant de la Jarry, ils m'ont appelé hier. Benoît m'a appelé hier parce qu'en fait, ils vont faire en exclusivité, je donne l'info là. Allez, attention. Et ils vont faire un nouveau clip là. Un nouveau clip. Et hier, il m'appelle, il me dit écoute, je suis dans l'embarras, j'ai besoin d'une discothèque pour tourner mon nouveau clip. Et ça tombe bien. Et je lui dis écoute, vas-y, viens, t'es bienvenu chez toi. Donc ils viennent le 19 juillet tourner avec tout le service. Toute l'équipe, ouais. Les caméramans, tout ça. Ils vont faire le nouveau clip dans la discothèque. Ça me fait plaisir. Eh ben nickel. C'est pas mal ça. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Voilà, la Jarry. T'aimes bien. Céline, tu connais le groupe? Non, je connais pas. Non, c'est des Orléanais. Alors ils vont au Canada, ils enregistrent au Canada, ils font des tournées aux États-Unis. Ils tournent, ouais, c'est beaucoup. Vrai que Alors, je disais à Benoît hier au téléphone, on en parlait musicalement, il cartonne aux États-Unis, il cartonne au Canada, mais c'est un truc de fou, hein. Et en France, bon, ça va, mais c'est moins, il m'a dit. C'est un peu moins en France, ouais. J'ai l'impression que le rock commence à être perdu. Ils arrivent toujours à faire des petites tournées en France, un peu partout en France. On va essayer de l'appeler. Là, ils ont repris, là. On va essayer de l'appeler Benoît, hein. Il doit en sortir, je pense, non? On va le réveiller. Tiens, on va appeler Benoît de la Jarry dans moins de 10 minutes. Dans 10 minutes à peu près, il y a une avocate qui est dans les studios, qui vient de s'installer tranquille, aller au café. On va la retrouver en direct. Céline Guérin, qui est là. Salut Céline, ça va? Salut Francky. Est-ce que t'es prête? Est-ce que de 12 minutes ça te va? Parce que j'ai juste un son à faire avant. Eh ben, y a pas de problème. Voilà, je suis là. Ben voilà. Avant un groupe que vous aimez bien. Enfin, une fille que j'aime bien. Tu connais ça? Bien sûr. On adore. Et puis dans 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, on va dire, c'est Céline Guérin, avocate en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Merci Fabien Dumas. Merci à toi Francky. Bonne journée à tous. Salut la famille. Direct, 8h26 minutes, ça me fait plaisir de vous retrouver. Il y a Céline Guérin, l'avocate, qui est en direct avec nous. Elle sera notre invitée dans moins de 5 minutes. Et puis un invité du jour, on va direction Bordeaux tout de suite. Bougez pas la famille des Zinzins, on est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant, en direction la ville de Bordeaux, cette belle ville où il fait super beau. Je suis avec Somariba, le leader du collectif métissé. Bonjour Somariba. Bonjour Arc-en-Ciel, bonjour Matt. Eh ben, ça me fait plaisir de te retrouver après toutes ces années. Alors, t'es au sport en ce moment, c'est ce que tu m'as dit. Je fais du sport le matin. C'est ce qui te libère un petit peu de tous ces problèmes du quotidien, on va dire, en ce moment avec le Covid ou sortie de Covid. Oui, après, c'est mon ADN, faire du sport, ça me permet de d'évacuer, ça me permet d'être en forme aussi, sans avoir les formes, voilà. Donc, tous les matins, je me fais ma dose de quotidienne de sport et ça, démarre la journée plein fer. Et moi, je me fais ma dose de café tous les matins à la radio, hein. C'est moi qui vide le distributeur, hein, je peux te le dire. Hein. En plus, Claude, il faut... Sans sucre, le café. Non ouais, je le prends sans sucre, moi. Je prends juste des sucrètes, des spartames, comme on dit. Hein. C'est... Parfait. Voilà. Claude, en plus, t'as écrit un bouquin, avant de parler du collectif, t'as écrit un bouquin justement pour perdre du poids, c'est ça hein. Oui, ouais, c'est mon expérience. Ça s'appelle « Laisse tomber tes kilos ». Ouais. Qui est disponible sur mon site laissetomber.com. Et ce livre, c'est mon expérience et c'est ma méthode. Donc, en fait, si vous appliquez ce que je dis dans le livre, vous pouvez raisonnablement espérer à, entre 10 et 15 kilos assurés si vous les avez à perdre. Bien sûr. Bah, je vais le commander, moi, alors. Je vais commander ça dès demain. Hein. Je vais m'y mettre au sport. En tout cas, on va parler de concerts, on va parler de musique, de soleil, de chaleur avec le collectif Métissé. Une belle carrière. Caliente Kuduro, c'est le tube qu'il vous faut cet été. Il est en playlist sur Radar Concel tous les matins. Il doit passer 2-3 fois par matinée. Ce titre qui cartonne sur toutes les radios, sur toutes les clubs bientôt, parce que les clubs vont réouvrir, Claude. Ça va arriver à quelques clubs en France. Oui, il y a quelques clubs qui vont rouvrir, ça fait plaisir. Après, c'est sûr que les normes qui ont été imposées ne permettent pas à tout le monde d'ouvrir, ouais. Mais en tous les cas, on a déjà une première fenêtre qui s'ouvre et je suis ravi pour ça. Je me suis un petit peu battu des clubs et des DJ. Et puis, écoute, s'ils peuvent playlister Caliente Kuduro, magnifique. Voilà, en tout cas, ils vont le jouer en playlist tous les DJ de la planète, ça c'est sûr. L'album est sorti au mois de juin, Soma. Nouvel album. L'album Danse à Latino est sorti au mois de juin. Il s'est hissé à la 11e place du top album, ce qui est une très belle performance. Il continue à bien s'écouler. Et puis c'est l'album de l'été, quoi. On peut le prendre à tellement. Il y a tellement de titres ensoleillés dans cet album que voilà. Bon, alors moi, mon petit préféré, parce que je l'ai écouté quand même l'album, mon petit préféré, c'est la reprise de la Bamba. Ah, celui-là, je le kiffe parce qu'il y a une version percu dedans qui est terrible. Ouais. Et je trouve qu'à jouer, franchement, sur scène, même pour les DJ, pour faire la fête, c'est terrible celui-là. Comment vous êtes venu cette reprise justement de la Bamba avec cette version un peu percue, on va dire, derrière? Parce qu'en fait, quand j'ai décidé de faire un album latino, je me suis beaucoup penché sur YouTube et j'ai regardé plein de vidéos d'Amérique latine, cours de Zumba et tout ça, et j'ai trouvé une version qui ressemblait à celle-là et j'ai dit ça, il faut qu'on fasse ça en essayant de le mettre encore plus percue et on a trouvé une belle alchimie, et c'est vrai que le titre accroche beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Alors, dans le top 3 des titres préférés des gens qui écoutent l'album. Voilà. Et voilà, en tout cas, un bel album qui est dispo partout sur les plateformes de téléchargement légales, bien sûr. Vous, ça y est, les tournées, ça commence à redémarrer. Alors, ça fait quoi de refaire de la scène, de voir le public? Bah, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait tout ça. Et puis on espère que ça va continuer. Là, on a une dizaine de dates en juillet. En août, on devrait être au moins entre une douzaine, donc ça fait quand même plus de 20 dates sur l'été. Je pense que c'est inespéré dans les circonstances actuelles, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis bon, rien ne vaut la scène, le contact avec le public. Voilà. Le public en général, est bien sûr content de vous retrouver, j'en suis sûr. Mais je sais qu'au début, c'était assis. Est-ce que ça fait pas trop bizarre de voir des gens justement face à soi qui sont assis, qui peuvent pas trop s'extérioriser, on va dire? Mais écoute, j'ai essayé d'adapter le show à ces conditions-là, et pour le moment, ça se passe très bien. Alors, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose, mais on y arrive quand même. Et puis bon, quoi qu'il arrive, au mieux ça que rien. Fabien, il nous regarde, mon chroniqueur qui me regarde avec des grands yeux. T'as une question peut-être pour le collectif Métissé, ça va, comme ça, qui te vient à l'idée, mon Fabien? Mais ouais, bonjour déjà, Claude. Bonjour. Si t'avais un projet comme ça que tu voulais mettre en place assez rapidement, malgré les conditions, ça serait quoi? Si t'avais un rêve un peu fou, là, à mettre en place, ça serait quoi? Oh ben moi, mes rêves les plus fous, je les réalise tous les jours, c'est faire de la musique, sortir des albums. Donc, bah, dans les choses que je vais sans doute faire, je vais faire un album avec des musiques de sport, parce que je me suis rendu compte que c'est pas déconnant. Et puis, je vais faire sans doute une petite un best-of de tous mes titres que j'ai sortis en solo à l'époque où j'ai connu notre ami Matt. Ouais, c'est vrai. voilà, j'ai... Moi, je suis plein de projets. Je suis en train d'écrire ma bio. Donc, en fait, des projets fous, j'en ai tous les jours. Je me lève tous les jours avec des projets fous. Et bon, j'arrive pas à tous les réaliser, mais j'y vais. Bah, c'est bien de se lever avec plein de projets comme ça. Justement, avant d'écouter le tube de l'été, Caliente Codoro sur Arc-en-Ciel, Claude, tu dis, je vais refaire des titres. Est-ce que une question personnelle, est-ce que Les Filles de la Nuit sera dans les projets? Oui, il sera dans le best-of. De toute façon, je pense que je vais reprendre les titres originaux, les remasteriser, mais je vais pas les toucher. Bon, d'abord, le but, c'est pas de faire concurrence collective, c'est juste parce qu'on m'a demandé si où on pouvait trouver mes titres, notamment Les Filles de la Nuit. Ah ouais, celui-là. Il n'existe aucune part. Notamment mes medley que j'ai fait, la Nouba, la Fiesta. Ouais. On m'a demandé plein de choses comme ça et je me suis dit, bah tiens, si je faisais un petit best-of et Universal a été demandeur, donc je pense que je vais le faire, mais ça prend du temps. Et comme je suis déjà sur le nouvel album du collectif Métissé, ça fait beaucoup de choses, hein. Eh ouais, beaucoup de travail en tous les cas. En tout cas, c'est bien. Ouais, c'est bien. Il faut bosser. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation en direct de Bordeaux. Avec là. Plaisir. Et puis, on va s'écouter ce fameux tube Caliente Codoro, si tu veux bien, Claude. Avec plaisir. Merci à toi. Salut Claude. Belle journée avec le collectif métissé. Salut Claude. Sandra Arriba du collectif métissé depuis Bordeaux. Voici le tube de l'été, Caliente Codoro. C'est ça qu'il vous faut à la radio le matin. Écoutez, et puis notre avocate qui est prête dans les sorties blocs, c'est Céline Guérin qui arrive dans moins de 2 minutes. Ça vous plaît ça? Ça annonce bien l'été comme il faut ça. Le collectif Métissé. Epa. On est dingue, on est des dingues quand même. Bon, on est tranquille. Moi je suis au téléphone, je fais tout en même temps hein, et j'appuie sur les boutons de la radio. Hey. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant, j'appuie sur tous les boutons, je sais même pas où j'appuie des fois, c'est vrai. Hein. Alors le tactile il marche pas, c'est pas grave, hein. On va demander aux techniciens d'arriver tout de suite. Alors, notre invité, après notre chroniqueur favori, après Sam Arriba du collectif Médicé depuis Bordeaux, on devrait avoir Mathieu Lebrun aussi, une discothèque à Rouen qui va réouvrir vendredi soir. Il y a plein de monde qui vont nous appeler, on attend le rappel de la Jarry, les rockers là. Ouais, ça va sonner très rock, attends, j'ai pas un texto. La Jarry, ah non, c'est pas encore. Et en tout cas, elle est notre invitée aujourd'hui et ça me fait plaisir de la voir. Elle s'appelle Céline Guérin, avocate. Bonjour Céline. Salut Francky, bonjour à tous. Comment tu vas bien ce matin? Impeccable, avec la bonne musique. Bah ça fait du bien. Hein. On se connaît depuis quelques années. Imagine le mec qui fait style qui la connaît depuis des dents. On se connaît depuis les réseaux sociaux, faut être honnête. Hein. Exactement. Ouais. Alors comment... comment se passe le métier d'avocat aujourd'hui avec le l'après-Covid et pendant le Covid? Tiens, on va parler pendant le Covid, ça s'est passé comment? Eh ben écoute, ça s'est bien passé. Moi, à vrai dire, j'ai peu de recul parce que j'ai eu une première vie professionnelle avant. Donc j'étais, ouais, tu sais quoi? J'étais juriste en entreprise. Ah, j'étais bien, j'étais peintre en entreprise. Ça aurait pu aussi. Il n'y a pas de sous-métier. Hein, attends, moi, avant, j'étais gardien de SNCF. Hein, je surveillais les trains, les départs de trains. Non, donc j'ai été juriste pendant 17 ans. Et puis, l'avocature m'a appelé. Donc maintenant, j'aurais tendance à dire que je suis de l'autre côté de la barre. Ouais. Et donc ça se passe super bien. Je suis installée depuis septembre 2019. Et en fait, j'ai cette particularité d'avoir un site internet. Moi, j'appelle ça mon cabinet juridique en ligne. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc c'est monjuristesurmesure.com. Et l'idée, c'est de rendre accessibles les services d'un avocat à tous, quoi. À tout le monde. Voilà, faire en sorte que ce soit facile d'accès. Alors toi, tu as une spécialité? Oui, alors en moi, tant qu'avocat, parce qu'avocat, il y a plusieurs spécialités. Alors, hein. Ouais, il y a des avocats généralistes, voilà. Mais moi, pour le coup, c'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt spécialisée en droit commercial et droit du travail. Ah, attention. Voilà. Les prud'hommes, tout ça. Exactement, c'est mon alors, quotidien. Alors, côté employé, employeur, c'est les deux. Les deux me passionnent. Tu défends que l'employeur ou l'employé? Non, les deux me passionnent. Alors, on dit souvent, on parle des prud'hommes par exemple, on dit souvent que l'employé, à 90%, il gagne au prud'homme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Alors, ça, c'est vraiment des préjugés. C'est ce qu'on dit, hein. Ouais, parce que moi, je connais plein d'employés, ils me disent, de toute façon, je vais au prud'homme, tu vas voir, il va ramasser le. C'est pas vrai du tout. Ouais. Ça dépend bien sûr du contenu du dossier. Ouais, bien sûr, Non, c'est. Alors après, on peut avoir tendance à dire qu'il y a des conseils qui sont plus ou moins pro-employeur ou plus ou moins pro-salarié. Mais à aujourd'hui, non, ça dépend vraiment du dossier que tu vas avoir, du super avocat que tu vas avoir à tes côtés. Bah, comme toi, par exemple. Et qui sera convaincu, en tout cas, de prendre ta défense. Céline Guérin, qui est à Orléans. Hein, ça me fait plaisir de la recevoir aujourd'hui à la radio. Céline Guérin, alors aujourd'hui, avocate en ligne, ça se passe comment alors? On veut te trouver, par exemple, on dit, bah, chercher un avocat, tiens, je suis emmerdé avec mon employeur. Ou l'employé dit, bah, moi aussi, ou l'employé, en vice-versa, ça peut être dans les deux sens, hein, bien sûr. Parce que souvent, les employés, c'est des casse-couilles aussi. Hein. Non, je vais être honnête, hein, les employeurs aussi, mais. Bah, des deux côtés, en fait. Hein. Des deux côtés, on va dire. Et je vais pas mettre des gens à dos hein, ce matin dans les bagnoles, hein, qui vont me casser la tête sinon. Non, mais sérieux, comment ça se passe alors? On veut avoir un phare à toi. On tape sur Internet, on t'appelle. Ça se passe très, très bien. Ouais, c'est plus que la démarche. La démarche. Eh ben, la démarche, en général, c'est soit les gens vont directement sur mon site Internet. Donc là, monjuristesurmesure.com, c'est plutôt dédié aux TPE et PME, donc plutôt côté employeur. On peut acheter en ligne mes prestations et ensuite c'est moi qui interviens en direct. Donc c'est vraiment du sur-mesure. L'idée c'est c'est que vous ayez votre interlocuteur et votre avocat. Donc ça me permet en fait d'étendre mes prestations sur l'ensemble du territoire national, voire à l'étranger. À l'étranger aussi, tu bosses avec l'étranger. Ouais, notamment avec des expatriés et avec des entreprises qui travaillent également à l'étranger. Un sacré job. Donc ça, c'est top. Et puis, surtout, ça permet de mettre en place, depuis septembre 2019, moi, je suis très axée sur le dématérialisé. Mmh. Donc ça veut dire que je travaille à distance de façon très, très facile. Mais est-ce que c'est facile de travailler à distance avec un avocat? Parce que j'aime bien, moi, j'ai un avocat aussi, hein, je vais pas le citer, Maître Lavis. il est super sympa, je le salue d'ailleurs. Il est cool, j'aime bien la dégaine. Moi, je vais le voir. Toi, on discute de certaines choses, mais là, on n'a pas de relation. Tu peux faire les deux. Alors, parce que t'es pas mal comme ça. Pour ceux qui sont dans le local, j'aurais tendance à dire qu'on se voit à mon cabinet, qui est situé à Saran. Ouais. Et puis, en tout cas, pour ceux qui sont en distance, en général, le premier contact, c'est par téléphone ou par visio. D'accord. Donc, comme ça, on établit un premier contact, et ensuite, il y a plein de choses qui se font en dématérialisé, notamment en conseil. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours discuter de vive voix, et en tous les cas, ça se fait. Et c'est alors l'intérêt, c'est la réactivité, quoi, parce que moi, je suis capable de répondre sous 24 à 48 heures. Ah ouais. Et les gens, ils sont... Ouais, 24 je m'engage. Ouais, mais avant de répondre, il faut quand même un dossier étudier parce que tu me dis répondre, mais connaître un peu... Ça dépend ce que tu fais. Si tu es en contentieux, c'est des dossiers sur le long terme. Ouais. Mais si tu fais du conseil, notamment pour les entreprises, là, l'intérêt, c'est d'avoir en face de soi un avocat qui est réactif et qui peut te répondre dans les 24 à 48 heures. Ouais. Donc, c'est l'intérêt. Ça, c'est la rapidité. Fabien Dumas. Ouais, je m'y engage. C'est un gain de temps, quelque part, aussi. Parce que... Rendez-vous avocat. Le patron qui a besoin d'un conseil rapidement parce qu'il a une situation urgente sur le terrain, s'il fait appel à Céline. C'est ça, exactement. Voilà, et qu'elle lui répond rapidement. Ça, c'est bien. Temps. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, de se déplacer avec la voiture. Là, c'est l'avocat de demain, quoi. C'est ça. Et pour ça, j'ai lancé une presta spécifique, ça s'appelle les urgences juridiques. Ouais. Toi, c'est comme l'hôpital. T'achètes l'heure. Tu me prends une presta pour une heure. C'est combien l'heure? 89,90 euros en taxe. C'est correct. Voilà. Et en fait, tu m'appelles à tout moment et je te réponds soit dans l'instantané, soit je te formule la réponse sous 24 heures. Alors, toi, tu dis pour les patrons, mais ça va aussi pour les employés. Pour les salariés. Ouais, les salariés, hein. Ça, c'est vrai que ce côté pratique, parce que des fois, tu vas rendre avec un avocat, c'est jamais facile. Des fois, il te met 15 jours ou 3 semaines à avoir un rendez-vous. Là, dans l'heure ou, comme tu dis, dans la journée, tu peux avoir ton rendez-vous et puis, avoir des explications parce que des fois, t'es un peu stressé. Tu sais, il t'arrive des choses un peu bizarres. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? qu'est-ce qui va se passer. Et là, toi, bah, t'es là pour ça, t'interviens. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis, l'idée, c'est aussi de désacraliser la profession, quoi. Je pense qu'on peut être très bon tout en étant très accessible. Et pour moi, tous les justiciables devraient avoir accès à un avocat de façon limpide et ouais. facile. Communiquer avec son avocat, ça devrait être facile. Normalement. Donc j'y travaille. Moi j'aurais bien voulu que tu viennes avec la tenue ce matin, tu vois, avec la robe, ça aurait été sympa. J'ai pas le droit de me promener avec. T'as... Ah ouais, t'as pas le droit ? On a pas le droit ? C'est juste au tribunal. Dans les prétoires, oui. Ah ouais, d'accord. Alors comment ça se passe l'après-Covid là ? Il y a plus de dossiers, moins de dossiers ? Ouais, il y en a. Quel est le côté facile entre guillemets ? C'était l'avant-Covid ou l'après-Covid ? Bah pendant c'était bien aussi. Moi j'ai bossé de toute façon. Je sais pas. Voilà. Mais après non, aujourd'hui pour les entreprises, bah il y a deux situations, et les entreprises qui sont en difficulté, donc ils font appel à moi plutôt pour tout ce qui est impayé, des difficultés de cet ordre-là. Après, t'as celles qui marchent fort, au contraire, notamment celles qui se lancent sur tout ce qui est vente en ligne. Alors là, du coup, moi, j'ai une capacité à mettre en conformité juridique leur site internet, les conditions générales de vente, etc. Et puis après, t'as les salariés, notamment au niveau du droit du travail, où là, on a beaucoup de salariés en souffrance. Ouais. Beaucoup, des salariés qui ça se passe mal en entreprise, et parce que la situation économique fait que ça se tend de tous les côtés, et que voilà, les employeurs font malheureusement aussi comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et tout le monde ne joue pas le jeu, quoi. Qui a explosé le plus, les employés, les employeurs, parce qu'il y a des sociétés qui ont fermé pendant le Covid, malheureusement. Ouais, les salariés aussi, ouais, qui ont souffert avec la fermeture des entreprises. Ouais, voilà. Et là, on a seulement le contre-coup maintenant. Est-ce que c'est pas compliqué, parce que partiel, pas partiel, chômage partiel, on revient, on repart. Est-ce que c'est pas compliqué à gérer ça, les droits? Alors, les droits, je sais pas, mais en tout cas, les conditions de travail, oui, et notamment le télétravail, ça a fait des ravages, quoi. Parce que les employeurs ont pas toujours joué le jeu, et les salariés de même, quoi, en fait, hein, c'est des deux côtés. Pas facile. Ouais, la nature humaine est compliquée. Quoi. Ouais. En tout cas, t'as un bon fichier client là, ça y est. Là. Ça marche fort. Ça marche c'est fort. Bien pourvu que c'est dur, c'est ce que je dis tout le monde. Parce que alors, en tout cas, je suis passionnée et ça me correspond très bien. Ouais. Ça va être sympa de travailler de chez soi comme ça, de prendre des rendez-vous au lieu d'avoir tout le temps un bureau, être enfermé. Ouais, puis c'est diversifié quoi. Ouais. Donc je fais jamais la même chose, je touche jamais les mêmes personnes, donc c'est vraiment très hétéroclite. C'est passionnant. Ce qui est rigolo entre guillemets, rigolo, je dis comme ça, parce que un avocat qui a un Facebook, c'est vrai, hein, c'est rare. Moi, mon avocat, il a pas de Facebook. Hein. C'est rare que je l'appelle sur Facebook. Hein. Mais toi, on peut te contacter sur ton Facebook. Ouais, Facebook, LinkedIn, j'aime beaucoup. Et puis du coup, je touche encore des gens d'un peu partout. C'est top. Entre guillemets, quel est le dossier le plus rigolo? Rigolo dans le sens où ça t'a fait marrer un petit peu. Il y en a un des dossiers comme ça? Rigolo, je sais pas. Par la finalité, oui. Non, j'ai un client un jour qui m'appelle et puis qui me dit, là, je viens d'être contacté par une société qui fait du référencement sur Internet. Alors, un truc pas du tout sérieux. mais il dit, je viens de signer un bon de 30 000 euros. Ah oui, quand même. Et en fait, je savais pas quoi je m'engageais, comment je vais faire. Et donc là, je creuse un peu le truc et je lui dis, je vais faire ce que je vais pouvoir. Et en fait, j'ai réussi à lui faire casser le dossier. Mais le gars, il était très surpris parce qu'il me dit, ça m'a pris en sortie de Covid. Un agent immobilier, il me dit, jamais j'aurais cru que je pourrais me faire prendre par une telle escroquerie, en fait. Et donc, alors c'est rigolo parce qu'au final, j'ai réussi à obtenir gagné. Mais Ça l'a pas fait rire quand il m'a. Non, au début, ça l'a pas fait rire, mais après, ça l'a fait rire, je pense. Au final, on va dire, entre guillemets. Aucune cause perdue. Aucune cause perdue. Fabien Dumas, une question peut-être pour madame l'avocate. En moyenne, combien de temps ça te prend un dossier Ça dépend. Combien de temps tu restes sur un dossier, par exemple? Un dossier prud'homme, tu veux dire? Oui, salarié, employeur, endroit du travail. Alors déjà, t'as la longueur de la justice, la justice des hommes est relativement longue, donc un procès en général, c'est 18 mois quoi, à peu près. Et le temps de travail, tout dépend de la difficulté, mais en tout cas j'ai déjà un premier contact en consultation au cabinet avec le client, ce qui est essentiel pour moi parce que du coup ça me permet vraiment d'appréhender le dossier. Et puis après c'est des heures de travail, beaucoup de travail en droit du travail, parce que c'est vraiment c'est des dossiers très précis. Qui ne font que relater, en fait, t'as l'aspect juridique, mais t'as aussi tout ce qui s'est passé dans l'entreprise, et pour le coup, ça à retranscrire, ça prend du temps. Ouais. Et c'est ça aussi qui rend la chose très passionnante, quoi. Y a pas de dossier pareil. Face au prud'homme, sur un verdict qui est rendu, par exemple, est-ce qu'on peut faire appel l'employeur ou l'employé? Oui, bien sûr, tu peux faire appel. On a le droit. Combien de fois on peut faire appel? En fait, t'as un jugement de première instance, et après, tu peux faire appel sous un mois. Ouais. Et après, ça passe en cours d'appel. Et éventuellement, après, tu peux faire en cassation s'il y a un point de droit que tu estimes. Bon, c'est plein. Plein de choses, On apprend des choses ce matin. Ah, ça fait du bien un petit peu de savoir des choses. Moi, il y a des trucs que je savais pas, tu vois, l'avocat en ligne, tout ça. Jusqu'à présent, pour moi, l'avocat, tu te déplaçais dans son cabinet, quoi. Ouais. Fallait le trouver, puis puis voilà. Est-ce que tu ne fais pas trop d'ennemis chez les autres avocats? Parce que bon, ceux qui font pas de cabinet en ligne, qui font pas tout ça, ils se disent, mais attends, elle, Facebook, machin, ça va, c'est la fête, quoi. Ouais, enfin, je crois pas que. Pas d'ennemis, mais non, les gens qui sont un peu jaloux. Jaloux, je sais pas non plus, je pense que ça fait beaucoup parler. Mmh. Et je crois surtout que chacun a l'avocat qui lui correspond. Donc en fait, il y a du travail pour tout le monde. Et je crois que c'est important, c'est un peu comme ton médecin généraliste, il faut que tu trouves chaussures à ton pied. Ben, là, c'est la même chose pour un avocat. Ouais, les médecins généralistes, il n'y en a plus beaucoup. Les avocats, il y en a un paquet, mais. Oui, mais des bons, il n'y en a pas beaucoup non plus, des avocats. Ah, il y a trois déjà. Ah, voilà, c'est ça. En tout cas, on peut trouver. Elle se vend bien. Hein. Non, mais elle est maligne. Hein. Bon, Céline Guérin, vous pouvez la retrouver sur son Facebook. Alors, il y a un lien quelque part. On peut te retrouver aussi. Mangeresurmesure.com et puis sinon sur LinkedIn aussi, vous me suivez, il n'y a pas de problème. Bah, on va la suivre. Fabien, on va la suivre. Ouais. Si j'ai besoin, ça peut servir. Hein, avec tout plaisir. À fait, tout à fait. Si j'ai un problème avec la radio, moi, je l'appelle direct parce que j'en ai des problèmes, hein, ici. Hein. Non, je rigole, on la salue, la présidente de la radio, au passage, elle nous écoute parce que je vais me faire engueuler sinon encore. Merci Céline Guérin. Merci à toi, Francky. Aujourd'hui, c'est rempli le programme? Mais c'est bien. Bah, c'est bien. Bah, tant mieux. Fabien, une dernière question avant qu'on se quitte? Non, c'est bon, tout va Est-ce bien que tu vois déjà de la concurrence arriver dans tes collègues avocats, avocates, génération peut-être? Alors, suivez ton exemple. Ouais, il y en a qui se tournent vraiment vers ça. Ceci dit, la vente vraiment en ligne de Presta, ça se fait pas beaucoup pour du sur-mesure en tous les cas. Mmh, ouais. Donc ça, pour l'instant, c'est un créneau qui est pas tellement pris et pourvu que ça dure, quoi. Et ben, voilà. Laissez-moi la place, ça me va très bien. Pourvu que ça dure. Céline Guérin, avocate en spécialité dans le droit, hein, les travaux et puis prud'homme aussi. Voilà, c'est si ça. Vous avez des soucis en ce moment avec votre employeur ou l'inverse, hein, si vous êtes employé, vous pouvez la contacter si vous voulez des infos. Hein. Bon, c'est 89 balles de l'heure. Hein. C'est ça. La mais tout travail mérite ça. Bah, exactement. Ah, c'est pas gratos non plus. Il faut pas abuser. Arrêtez vos conneries. Hein. Attends, faut qu'elle travaille, la pauvre. Hein. Moi, il faut qu'elle me donne un chèque après en partant de la radio. Parce que, voilà. Non, mais ça, c'est entre nous. C'est en fait. Je t'amène le crayon pour signer. C'est ça. Merci d'avoir été notre invitée, Céline Guérin, ce matin, avocate. Ça m'a fait plaisir. Et en plus, ravissante, t'as vu, le sourire, le smile, tout. Ça peut... On sent qu'elle est motivée, qu'elle est enthousiaste. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Et monjurissurmesure.com, n'hésitez pas. Allez, bonne journée. Allez, bien, elle est forte. Elle est forte. Un titre qui est sympatoche, qui est plutôt lounge music aujourd'hui. Écoutez, tu te rappelles de ça, Nena? Eh ben, c'est une reprise. Allez, tranquille, Radio Arc-en-Ciel. Horizont. Denkst du vielleicht, frag an mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt. We'll be right back. avec cette reprise. Non, c'est tranquille, ça s'écoute ça le matin dans la bagnole, tu sais, quand tu vas bosser. Ouais, dans les embouteillages, ça permet de se relaxer tranquille. Bon là, c'est une version relax. C'est pour ça que je vous ai mis ça, vous qui êtes stressé le matin, hein, qui allez chez votre avocate, par exemple, chez Saline Guérin, là, à Saran, ben voilà, avant d'aller la voir. Mais moi, je vais chez l'ostéo à 10h. L'ostéopathe, c'est ça. J'ai une fille. Rendez-vous. Bah, j'ai rendez-vous avec une fille, je sais pas qui c'est, hein. J'espère qu'elle est bien, hein, parce que sinon, je me barre. Hein. Ça fait du bien les rendez-vous. Ah j'adore ça, ah j'adore, ouais, je kiffe, non, j'ai mal dans le dos là, ça va me débloquer tout ça. Heureux d'être avec vous, va bien, tu seras là quand la prochaine fois, tu sais, t'as un planning ou pas? Non. Bah mercredi si tu veux. Mercredi, ouais, bah, ouais. Ouais, mercredi au prochain, ça te va. Eh bah écoute, bah, le rendez-vous est pris. Voilà, bah voilà, le rendez-vous est pris. Mmh. Pas mal c'est une Zégrin. Mais c'est intéressant de savoir que ouais, on peut trouver des avocats maintenant autrement qu'en allant frapper à son cabinet. Voilà. Du son Caliente avant 9h, voici Fabien et Juan Maï et tous ces moments sur Radio Couleur et ça me fait plaisir de vous retrouver tous les jours avec des jingles qui arrivent. Je sais pas, il y a un bug, c'est pas grave. 7h, 9h, le matin. Sur direct, j'adore. Et au moins on voit qu'on est en direct. 7h, 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. En fait c'est du comblage, on appelle ça en radio, tu sais, il faut savoir combler. Voici Fabio et Juan Maï avec Alex Enfigo sur Radio Couleur. Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Metiendo con los tigueres a cuarta. Tengo todo y tengo la vaca. Las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Vengo a la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ, súbame las manos. Las mujeres guapas, si todas son bellas. DJ. C'est du bien un peu de soleil comme ça, Fabien Dumas. Ça hein réveille et ça promet une belle journée. Demain, on est jeudi demain, c'est ça? Jeudi, mercredi. 8 juillet demain. Ouais, le 8 juillet, demain, elle sera notre invitée, c'est notre chroniqueuse, Stéphanie demain. Ah, Stéphanie, j'adore. Et puis j'aurai une petite surprise aussi, un invité de marque aussi demain. Ah, alors, je vais le révéler tout à l'heure. On garde ça pour demain. Et Fabien, tu reviens mercredi, toi? Mercredi prochain, ouais. Voilà, avec les chroniques culturelles. Voilà, si on veut sortir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ouais, puis dans moins de 3-4 minutes, il arrive, c'est Victor qui est derrière moi, il se prépare dans les starting blocks de la radio arc-en-ciel. Ça va chauffer. Ça va chauffer caliente, hein. Bah, ce matin, le temps est pas terrible, hein. Jusqu'à 22 degrés, ça va être mitigé entre soleil, pluie, machin et tout. Merci Fabien Dumas. Merci à vous, bonne journée à tout le monde. Salut la famille. Ciao, ciao. 7h, 9h. Francky le matin sur arc-en-ciel. 7h, 9h. Le matin, c'est bien. Et c'est Francky. Ah ouais, c'est bien le matin. Puis Victor qui arrive dans 4 minutes en direct, presque 9h en radio arc-en-ciel. On vous souhaite une très très bonne journée. Sous le soleil peut-être. Là, ça commence à se couvrir légèrement. Et puis on se quitte avec Enrique Iglesias, le remix Duelen Colasson. Demain matin, on sera là avec plein d'invités, plein de surprises. Salut, passez une bonne journée sur la radio couleur. Yo te voy a acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete para ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también te voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? Si j'ouvre pas le micro, ça va marcher. Radio Arc-en-Ciel, Victor qui arrive dans moins de 3 minutes. Et puis nous, on se retrouve demain matin, 7h, 9h, la famille. Salut, passez une excellente journée. Demain, 7h. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps.